Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Fadjet 94.2, votre radio préférée pour une nouvelle édition de l'émission Les bons plans solidaires qui vous est proposée par le groupe solidaire actif de l'association Arelia. Alors évidemment, ce mois-ci et en raison du reconfinement lié à la Covid-19, cette émission est très particulière en raison des obligations sanitaires et des gestes barrières qu'il est nécessaire de bien respecter. Je vous présente donc cette émission non pas depuis les studios de Fadjet, mais dans le coup du GSA à Vendeuvre, et nos chroniqueurs ne sont pas là, mais chez eux et en direct par téléphone. Comme chaque mois, la Dream Team vous propose de bons conseils, des bonnes idées, des bons tuyaux, et toujours les moins chers possible. Il suffit d'être imaginatif et nos chroniqueuses et chroniqueurs n'en manquent pas. Allez, il est temps pour moi de vous les présenter. Nous aurons aujourd'hui Alain, notre spécialiste du jardinage, qui va nous parler de ce qu'il faut faire au jardin en novembre, puis reviendra nous expliquer comment conserver les derniers légumes de saison. Nous aurons ensuite Damien, notre spécialiste du sport et de la bonne forme, qui nous parlera de marche sportive et de marche nordique, et qui reviendra dans l'émission pour nous parler des bienfaits du sport en hiver. Nous aurons également Vincent qui nous parlera de la préparation des manifestations prévues à Nancy et très remaniées en raison de cette pandémie et nous permettra de faire le point sur ce qui se passera et ce qui sera annulé et donc vous donner les bonnes infos. Il nous parlera aussi des bons plans boulot et job en cette période juste avant les fêtes qui arrivent et il y en a beaucoup. Nous aurons ensuite Lucie qui nous revient et cette fois pour nous parler de quelques sorties CD, livres, DVD et de quelques films prévus à partir du 1er décembre en espérant pouvoir vite retourner au cinéma. Et enfin nous aurons Laetitia qui nous parlera d'un week-end détente et détox à faire soi-même à cette période de l'année pour être en forme avant l'hiver et les fêtes de fin d'année. Elle nous parlera également de la réalisation d'un calendrier de l'Avent à faire soi-même. Vous voyez, le programme est bien chargé, alors on commence tout de suite. Eh bien, honneur aux filles en ce début d'émission et nous accueillons Laetitia. Salut Laetitia. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors, ce mois-ci, tu nous as concocté un week-end cure, détente, détox. Pas cher, à faire soi-même. On t'écoute avec une grande attention. Oui, tout à fait. Donc, pour ceux qui ont envie de faire une pause pour purifier leur organisme et booster leur vitalité, c'est le moment d'opter pour une cure détox express. Pour cela, caler sa cure du vendredi soir au dimanche soir et s'organiser en amont pour buller, dormir, prendre des bains avec des bougies, écouter de la musique relaxante, ou alors encore bien lire un bouquin au lit ou au chaud. Enfin, bref, être au petit soin pour soi. Donc on commence ce samedi matin par se préparer un bon jus détox bourré de vitamines, avec des oranges, du citron, de la carotte, du curcuma, et ce jus se conserve 24 heures au frigo, donc vous pourrez en reprendre le dimanche matin. Ensuite, on se fait un petit déjeuner, léger, donc un thé, deux tranches de pain complet, légèrement beurré, qui vont favoriser une bonne digestion grâce à une monodiète à base d'aliments digestes à manger tout au long de ce week-end. Donc on peut se faire une soupe de légumes, bien sûr on ne met pas les pommes de terre, la servir mixée et en texture épaisse, et à ce régime-là, on se sent en forme dès le dimanche matin. En parlant du dimanche, on poursuit sa journée à apaiser son mental, marche dans les bois, exercice de respiration ou de la méditation. Voilà pour ce super week-end détox et détente. Super idée, et en plus ça coûte rien et on se fait plaisir. Et si ce week-end-là il y a du soleil, il faut en profiter aussi pour faire, même derrière ses fenêtres, une ou plusieurs séances de 20 à 30 minutes de luminothérapie naturelle. C'est excellent pour prévenir de la déprime saisonnière de l'hiver, car les journées raccourcissent, le temps est souvent gris et on a tous le moral dans les chaussettes. Merci Laetitia et à tout à l'heure. Eh bien, c'est à Lucie maintenant de nous rejoindre. Bonjour Lucie. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors, dans cette période difficile, toi, tu as recherché des sorties de CD, DVD, livres et de films qui sortiront, on l'espère, début décembre, parce que ça fait du bien aussi au moral. Allez, à toi. Alors, en effet Lionel, je vais vous proposer quelques sorties CD et livres à ne pas manquer. Alors tout d'abord, Power Up de AC/DC qui sortira le 13 novembre. Centre-ville de Calogero qui sortira le 6 novembre, Apologize de Chaka Ponk qui sortira le 6 novembre également, et enfin Histoire 2, le nouveau best-of de Mylène Farmer. Je vous ai également fait une sélection de livres idéales pour préparer vos cadeaux de Noël. Alors Franck Ferrand, avec son livre L'année de Jeanne, qui aurait dû être présent à Nancy le 2 novembre pour les rencontres du livre sur la place, Léo et Emma attendent Saint-Nicolas de Philippe Ozou, idéal pour vos enfants en cette période. et enfin L'homme sans âme de Victoria Quinn. Et n'oubliez pas que vous pouvez commander tous ces livres sur les sites internet des libraires de Nancy. Eh bien, merci Lucie pour cette bonne chronique. Ça va nous permettre aussi de passer un peu de temps confiné à lire, à écouter de la musique, et ça fait toujours du bien. À bientôt. Et nous retrouvons maintenant Alain, notre spécialiste du jardinage. Bonjour Alain. Bonjour Lionel. Alors, tu vas nous dire ce que l'on doit ou ce que l'on peut faire encore en novembre au jardin. À toi. Oui. Bonjour tout le monde. La fin du jardin avant l'hiver. Les dernières récoltes se font en octobre. Après que le jardin nous ait rendu un bon service, nous le laissons se reposer. Vous pouvez ramasser les pommes qui restent. Mettez-les soit à la cave ou dans un garage sur des planches avec des journaux. Vous pouvez cueillir les dernières tomates, les mettre sur le bord d'une fenêtre dans la cuisine pour les faire mûrir. Novembre est le mois pour récolter les potirons et les dernières carottes avant qu'ils gèlent. Mettez-les dans une cagette, vous pourrez les garder pendant 3 mois. Pour les poireaux qui restent, butez-les pour pas qu'ils gèlent. À la prochaine fois pour une nouvelle édition. Eh bien, merci Alain. Je voulais te demander un bon conseil. J'ai lu qu'on pouvait aussi recouvrir son jardin pendant l'hiver avec de la paille. Pour toi, est-ce que c'est une bonne chose à faire? Surtout pour certains légumes qui restent l'hiver. Hein, on les recouvre avec comme une couverture. Comme ça, le gel passe moins dans la terre et les légumes se conservent. D'accord Alain. Eh bien, merci. À tout à l'heure. Merci à vous aussi. Au revoir. Allez, c'est l'heure de retrouver Damien maintenant, notre chroniqueur sportif, qui va nous permettre de rester en forme. Salut Damien. Bonjour Lionel, salut les auditeurs. Alors, je crois que tu veux nous dire comment en hiver rester en forme. À toi. Oui, c'est ça. Alors, je vais vous donner quelques bonnes raisons de continuer à faire du sport en hiver. Le thermomètre affiche des valeurs négatives, il fait nuit à 17h, les chocolats des fêtes vous attendent devant la télé, bref, l'envie de chausser vos baskets affiche le camp. Et pourtant, les raisons de pratiquer une activité physique en hiver ne manquent pas. En voici quelques-unes. Alors, le sport en hiver pour découvrir de nouvelles activités. Il n'est pas toujours facile d'aller courir sous des températures négatives. C'est alors le moment idéal pour redécouvrir des activités telles que le yoga, la danse ou encore le pilates. Pour ceux qui veulent rester en intérieur ou par manque de temps, les cours de coaching sportif en ligne sont également une bonne alternative. Continuer une pratique physique est plus facile que de recommencer à zéro. Le plus bénéfique dans une pratique sportive n'est pas l'intensité, mais la régularité de la pratique. Abandonner le sport dès le premier coup de froid anéantira tous les efforts que vous avez consentis depuis le début de votre activité. Songez que vous devez reprendre tout depuis le début au printemps prochain, ce qui sera plus difficile que de maintenir votre niveau actuel de forme. Faire du sport diminue le risque d'attraper des maladies. Pratiquer une activité physique en hiver permet de renforcer les défenses immunitaires et d'augmenter la résistance de l'organisme contre les maladies. En effet, vous habituez votre corps aux températures basses et stimulez ainsi vos défenses immunitaires. Cependant, attention de bien vous hydrater et de vous couvrir pour pratiquer votre activité en extérieur. Et surtout, évitez de la pratiquer en dessous d'une température de 3 degrés. Et ensuite, pratiquer un sport vous aide à faire face contre la déprime saisonnière. Avec l'hiver, le moral est souvent au plus bas, avec le manque de lumière, d'énergie, etc. La pratique sportive est un excellent antidépresseur et antistress. Elle permet d'augmenter la production d'endorphines, autrement appelée hormones du bonheur, qui nous manque cruellement en hiver. Plus de sport, moins de fatigue et de troubles du sommeil. Le sport vous permet d'évacuer le stress et les tensions accumulées et évite donc de prendre des somnifères pour vous aider à dormir. De plus, faire du sport vous apporte une bonne fatigue. C'est l'organisme qui prend le dessus au moment de dormir, ce qui vous offre un vrai sommeil réparateur. Voilà, Lionel. Merci, Damien. Des super bons conseils, effectivement, de continuer une pratique sportive pendant l'hiver. On te retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Maintenant, nous retrouvons Vincent, notre chroniqueur spécial culture et infos diverses sur la région. Alors, Vincent, avec le reconfinement jusqu'au 1er décembre au moins, on en est où à Nancy des festivités qui devaient débuter dès le 20 novembre avec le marché de Noël et les célébrations de Saint-Nicolas? On est en aujourd'hui? Alors, malheureusement, effectivement, le marché de Noël est annulé, ainsi que le défilé de la Saint-Nicolas. Mais il y aura le son et lumière, place Stanislas, voilà. Et puis, je crois aussi à l'initiative de l'Association des commerçants de Nancy, il y aura des vitrines qui seront décorées, puis les rues de Nancy seront un petit peu plus décorées que d'habitude, c'est ça? Oui, c'est cela, bah, les commerçants, justement, se sont mis ensemble pour, ensemble, malgré tout, faire quelque chose, dont évoquer, voilà... le fait de déposer des lumières, etc., pour voilà marquer la solidarité entre les commerçants à Nancy. D'accord, ouais, c'est super. Et puis, je crois aussi que la mairie permettra quelques alors petites déambulations, des animations dans les rues, qui se promèneront dans Nancy, histoire aussi de donner à toutes et à tous une période de Noël comme on la connaît habituellement. Oui, c'est cela. Donc, effectivement, durant ces semaines, il y aura des animations de rue. Alors, c'est sûr, hein, Vincent, qu'avec la Covid, ça ne sera pas pareil que les autres années, mais on peut compter sur aussi l'engouement de tout le monde pour faire ces fenêtres, décorer ces fenêtres, mettre des lumières, et que Nancy, là où qu'on soit, soit aussi illuminé que d'habitude, et que ça fasse rêver les petits et les grands. Alors un bon conseil qu'on peut donner à tous nos auditeurs, c'est de dire, bah, vous aussi, décorez vos fenêtres, décorez vos maisons, décorez vos appartements de l'extérieur, pour que quand on se promène pendant notre heure de sortie quotidienne, on puisse voir aussi toutes ces belles lumières. Oui, c'est ça. Eh bien, merci Vincent, on te retrouve tout à l'heure pour une deuxième chronique. Eh bien, le temps passe vite, il est déjà l'heure de faire notre pause musicale. Alors, novembre, ce sont les belles couleurs de l'automne, les feuilles mortes, comme le disait si bien Jacques Prévert, mais c'est aussi le mois de naissance d'un ancien qu'on aime bien et que l'on connaît bien. Acteur, auteur, compositeur, musicien, chanteur, dont son nom d'artiste est d'ailleurs le mois de sa naissance. Il s'agit bien sûr de l'ami Tom Novembre. Son anniversaire était la semaine dernière, le 8. Alors, joyeux anniversaire, Thomas. 40 ans déjà. De métier, hein. Et pour l'occasion, on va vous diffuser, les auditeurs, deux de ces pépites musicales. La première, vous la connaissez tous. Allez, vous avez mis votre short fluo, vous avez mis vos baskets fluo, alors on y va. En équilibre sur les rondins, avec les bras. Ah, recommencer 5 ou 6 fois. Parcours santé sur des sentiers goudronnés. Jeu de piste fléchée sans trésor à l'arrivée. Entre les champignons, on sautille à pieds joints. Dans le bois près de l'autoroute, en allant promener le chien. On fait des exercices, on mouille son survêtement. Faut respirer à fond pour faire circuler le sang. Parcours santé sur des sentiers goudronnés. Jeu de piste fléchée sans trésor à l'arrivée. Parcours santé pour mes mères en basket. Jeu de piste fléchée, boussole et chronomètre. Retour à la nature sans salir ses chaussettes. Dérouiller les jointures en faisant comme les athlètes. Réservé aux adultes, les gosses en ont pas besoin. Des slogans qui stimulent, clouer sur les sapins. Parcours santé pour mes mères en basket. Jeu de piste fléchée, boussole et chronomètre. Courage 3-4, allons-y, toucher les pieds, les jambes tendues, plier les genoux toujours plus bas, en équilibre sur les rondins, dinouliner avec les bras, assouplissement chasseur alpin, recommencer 5 ou 6 fois, décompresser et on remet ça. chanter petit matin dans la brume. Jeu de piste fléchée pour les Indiens sans plume. Sécher le cours de gymnastique à 15 ans par paresse. Mais faire ce qu'il faut pour garder la forme. Faut souffrir pour être beau quand les muscles s'endorment. Escouer son physique pour retarder la vieillesse. Parcours santé petit matin dans la brume. Jeu de piste fléchée pour les Indiens sans plume. Santé petit matin dans la brume. Jeu de piste pêché pour les Indiens sans plume. Et puis, si Tom Novembre, ce grand homme, et écrivez-le comme vous voudrez, c'est la joie de vivre et l'humour, c'est aussi la tendresse. Comme dans son dernier album, intitulé sobrement André, où il reprend quelques chansons de l'indémodable Bourvil. Comme celle-ci, que l'on connaît tous aussi. Allez, on écoute Tom et sa petite chanson. Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle a donc, ma petite chanson? Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle n'a plus, ma petite chanson, qui ne te plaît plus? Elle avait toutes les qualités, elle ne ressemblait à aucune autre chanson. Elle mettait au fond de ton cœur autant de couleurs qu'une fleur au balcon. Elle parlait d'amour et de joie, et lorsque parfois elle changeait de ton, elle prenait un air attendri comme un enfant qui demanderait pardon. Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle a donc, ma petite chanson? Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle n'a plus, ma petite chanson, qui ne te plaît plus? Tu n'as plus rien à lui offrir, pas même un sourire, un instant d'attention. Elle a dû sans doute vieillir comme un souvenir, un pauvre air d'occasion. Elle avait vécu avec nous quand on partageait tout sans faire de façon. Mais c'était il y a quelques années, le temps a passé. Elle au cours sous les ponts. Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle a donc, ma petite chanson? Qu'est-ce qu'elle a qui ne te plaît plus, ma petite chanson? Sans toi, elle est fichue, foutue, perdu, il y en a plus. Après cette pause musicale, nous reprenons le cours de l'émission avec Laetitia qui nous revient cette fois avec une recette maison pour fabriquer le fameux calendrier de l'Avent. Et oui, c'est bientôt. À toi Laetitia. Oui, donc alors c'est pour le calendrier de l'Avent maison. Donc c'est un calendrier de l'Avent qui est à suspendre. Alors pour cela, vous pouvez choisir d'emballer vous-même les cadeaux dans du beau papier ou des baluchons de tissu, mais vous pouvez aussi faciliter la tâche en achetant de petits sachets. Il vous suffit simplement d'emballer vos petites surprises, d'y percer un trou et d'y faire passer une ficelle que vous nouerez à votre support. Si vous préférez, vous pouvez aussi les attacher, avec de petites pinces à linge. N'oubliez pas de les numéroter par contre. Et une fois cette étape terminée, vous pouvez les suspendre à un cintre, une guirlande lumineuse, une branche ramassée lors d'une balade ou encore directement sur le sapin. Voilà pour ce calendrier de l'Avent. Super idée, merci Laetitia et à bientôt. Allez, maintenant, on retrouve une nouvelle fois Alain. Alors Alain, tu vas nous dire que le potiron est le roi de la saison, c'est bien ça? Oui, c'est-à-dire que le potiron, le roi du jardin. Alors le potiron est un légume du Moyen-Âge qui permettait aux familles de paysans de se nourrir pour pas cher. Pour les faire pousser, c'est très simple. Récupérer les graines dans le potiron, les mettre dans un petit godet par trois, les mettre sur le bord de la fenêtre et les laisser pousser. Dès qu'ils ont atteint trois petites feuilles, réservez un endroit dans le jardin ensoleillé. Faites un trou la grosseur d'une boîte de conserve. Enlevez le godet plastique de la plante, y faire un bon trou la grosseur d'une boîte de conserve, y mettre la plante dedans, remettre de la terre, tasser un petit peu et arroser. Et si vous pouvez, mettez un peu de fumier pour avancer la pousse. Bonne culture, les petits jardiniers. Merci Alain. Dis-moi, le potiron, on peut récolter le potiron jusqu'à quelle période de l'année ? Jusqu'à la fin décembre. Jusqu'à la fin décembre, d'accord. Oui, mais attention, il faut le rentrer au moins un mois avant le mois de décembre, avant ta gêne. D'accord. Eh bien, merci Alain pour ces bons conseils, et puis à la prochaine fois. Je vous remercie, au revoir. Allez, on retrouve Damien pour sa deuxième chronique. Damien, malgré le confinement, il est possible, durant une heure chaque jour, de sortir pour marcher. Et donc, en évitant la foule et en n'oubliant pas son attestation de déplacement, tu vas nous parler, je crois, de deux techniques de marche. Dis-nous tout. C'est ça, Lionel. Je vais vous parler de la marche sportive et nordique. Alors, la marche nordique et la marche sportive sont des activités sportives douces qui offrent de nombreux bienfaits similaires. Pourtant, passer de la marche sportive à la marche nordique nécessite une phase d'adaptation, notamment pour bien utiliser les bâtons. Nous allons regarder ça plus en détail. La marche sportive est une activité physique simple à réaliser puisqu'elle nécessite peu de matériel, une bonne paire de chaussures de marche et des vêtements de sport. Activité qui agit positivement sur votre santé puisqu'elle vous assure une dépense énergétique élevée, environ 300 calories par heure. Discipline parfaite pour reprendre une activité physique sans choc. Ensuite, la marche nordique. La marche nordique est aussi une activité physique sans choc, mais qui requiert l'utilisation de bâtons spécifiques adaptés à la taille de chacun. C'est une activité physique dynamique qui développe un travail cardiovasculaire important, tout en étant moins traumatisante que la course à pied. La marche nordique est également idéale pour respirer profondément. En effet, l'utilisation des bâtons vous permet d'ouvrir votre cage thoracique et génère ainsi une augmentation de votre capacité respiratoire. Elle vous oblige à vous tenir droit et soulage ainsi les problèmes de dos, soulage les tensions au niveau des genoux et des hanches, puisque ce sont les bâtons qui encaissent les petits chocs liés au déplacement. Voilà, Gaël. Super, Damien. Alors, je récapitule. Si j'habite Nancy, je peux aller faire de la marche sportive le long du canal, par exemple. Oui, c'est ça. Et si j'habite l'Axou, je vais pouvoir monter avec de la marche nordique jusqu'au-dessus de la dans le coin de la Sapine. Voilà, tout à fait ça, Lionel. Car grâce à l'utilisation des bâtons pour la marche nordique, si vous voulez... ça soulage les jambes, mais en même temps, ça fait travailler les bras. Donc, ce qui peut nous permettre à chacun de pouvoir évoluer dans des milieux avec plus ou moins de dénivelé. D'accord. Ok. Bon, et puis on n'oublie pas l'attestation, sinon c'est la saison des prunes. Voilà, ouais. À bientôt, Damien. À bientôt. Ciao, ciao. Eh bien, vous savez quoi, nous sommes déjà presque arrivés à la fin de notre émission, comme le temps passe vite. Mais avant, on retrouve une nouvelle fois Vincent, qui va nous présenter une chronique très intéressante autour des emplois et des jobs saisonniers en cette période. Et il y en a. On t'écoute, Vincent. Oui. Alors, la période qui va arriver, malgré le Covid-19, va être propice pour trouver un petit job ou un travail saisonnier. Nous vous avons trouvé 5 bons plans. Premièrement, le tourisme d'hiver dans les stations de ski des Vosges ou en Alsace ou plus loin. C'est le moment d'envoyer vos candidatures. Les stations recherchent du personnel saisonnier sur les pistes, dans les équipes techniques, mais aussi dans les restaurants, les hôtels, les magasins des stations, etc. 2. Idem au bord de mer pour la saison des huîtres, la plus grosse consommation d'huîtres qui se fait en décembre. Troisièmement, dans les commerces près de chez vous. Avec les fêtes qui approchent, puis la période des soldes, il y a de multiples possibilités. Magasins de jouets, magasins électroménagers, grande distribution, les commerces de bouche, traiteurs, boulangers, poissonniers, bouchers, etc. Et enfin, les stations-service d'autoroute. Et oui, il va y en avoir du monde sur les routes durant les fêtes. Pôle emploi et les sociétés intérim recherchent aussi du monde à cette période, mais pour cela, consultez leur offre tous les jours. Dans toutes ces possibilités, le mieux est de vous présenter directement, bien habillé avec un grand sourire, en montrant que vous êtes dynamique avec CV et lettre de motivation. Bon job à tous. Et puis, faut pas oublier de dire aussi qu'on est disponible 7 jours sur 7, parce qu'il y a aussi pas mal de petits jobs qui se font les week-ends. Oui, voilà. Et effectivement, dans le CV, d'indiquer effectivement les week-ends en particulier. Voilà. Voilà, très bien Vincent. Alors c'est vrai qu'avec la pandémie de la Covid-19, on peut penser que tout est arrêté, mais non, nous sommes en situation d'alerte et en confinement jusqu'au 1er décembre, on aura les informations au fur et à mesure, mais il est possible aussi que les chiffres soient plus apaisants, et dans ce cas il faudra vite se dépêcher pour pouvoir trouver des jobs. En tout cas, merci Vincent de ces bonnes idées, on n'y pense pas toujours, et c'est aussi un bon moyen d'avoir un peu d'argent et de passer après des bonnes fêtes tranquilles. Merci Vincent. Voilà, et bien chers auditeurs de Fadjet, c'est déjà la fin de cette émission, on espère qu'elle vous a plu. On va se retrouver le mois prochain pour une émission spéciale Noël. On peut vous assurer qu'elle sera belle, cette émission. Plus longue peut-être que d'habitude, sans doute, et avec des chroniques et aussi des chansons. On a déjà plein d'idées à vous proposer. On vous rappelle aussi que l'émission Les Bons Plans Solidaires, c'est le deuxième vendredi de chaque mois à 12h30 sur Fadjet 94.2 ou sur les sites de radio en ligne. Et puis c'est aussi en podcast dès le lendemain sur le site de Fadjet, votre radio préférée. Si vous aussi vous avez de bons plans solidaires à nous proposer, ou si vous faites partie d'une association ou d'une initiative solidaire, vous pouvez nous contacter sur gsa@arelia-asso.fr. Je recommence, gsa@arelia-asso.fr. Mais vous pouvez aussi nous contacter via le standard de Fadjet qui vous donnera nos coordonnées. Nous pourrons ensemble proposer ainsi de nouvelles chroniques locales. Idem si vous êtes allocataire d'un minima social sur Nancy ou sur l'agglomération, que vous avez envie de découvrir comment on fait une émission de radio et que vous souhaitez rejoindre notre Dream Team des bons plans solidaires, écrivez-nous aussi à l'adresse mail que je viens de vous donner ou contactez Fadjet ou rejoignez-nous sur notre page Facebook Arelia Online. Voilà, cette fois-ci l'émission est terminée. Nous allons remercier toutes nos chroniqueuses et tous nos chroniqueurs pour leur excellent travail. Merci donc à Laetitia, merci à Lucie, merci à toi Alain, merci à Damien et merci à Vincent. Un grand merci aussi à Yves, à la technique, et à toute l'équipe de Fadjet qui, dans ces conditions, travaille et continue à vous proposer les meilleurs programmes possibles. Il est l'heure de se retrouver dans quelques instants et de retrouver le 13 en forme, puis la suite des programmes de Fadjet sur le 94.2. Nous, on vous souhaite un bon appétit, une belle journée, un bon week-end. Surtout, prenez soin de vous et prenez soin des autres. On reste solidaires dans cette période difficile et on se retrouve le mois prochain, même heure, même endroit. À bientôt, ciao, bye bye. We'll be right back.